campagne parisienne. J'ai grandi dans une belle forêt, réveillé au chant des oiseaux. Enrichi au bord d'un ruisseau, plein de rêves au fond de mon cœur. Une enfance remplie de bonheur qui m'a mené aujourd'hui à croire encore à l'utopie. Je suis un troubadour rêveur, je vis en écoutant mon cœur. Je suis un troubadour rêveur, je dis ce qui me saoule avec vigueur. Je suis un troubadour rêveur, je vis en écoutant mon cœur. Je suis un troubadour rêveur, je dis ce qui me saoule avec vigueur. Je rêve d'un monde où tout le monde s'aime. Je suis sûrement un extraterrestre. J'ai un esprit philosophique, une réflexion assez bouddhiste. Je veux revenir aux fondamentaux, essayer de repartir à zéro. Changer ce monde avec ma voix, en vous emmenant avec moi. Je suis un troubadour rêveur, je vis en écoutant mon cœur. Je suis un troubadour rêveur, je dis ce qui me saoule avec vigueur. Je suis un troubadour rêveur, je vis en écoutant mon cœur. Je suis un troubadour rêveur, je dis ce qui me saoule avec vigueur. Élevé en campagne parisienne, je suis sûrement un extraterrestre, réveillé au chant des oiseaux. Je veux revenir aux fondamentaux, plein de rêves au fond de mon cœur. Je suis un troubadour rêveur, et je vous emmène avec moi. Faut créer un monde idéal. Je suis un troubadour rêveur, je vis en écoutant mon cœur. Je suis un troubadour rêveur, je dis ce qui me saoule avec vigueur. Je suis un troubadour rêveur, je vis en écoutant mon cœur. Je suis un troubadour rêveur, je dis ce qui me saoule avec vigueur.